Lyon 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. David Ferron nous présente son nouveau segment musical, la carte blitzée. Ouf! Et on célèbre le retour en classe en ramenant la chronique éducative, c'est un fait. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis en ce lundi 14 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Accompagné de Tania Bourdin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Je viens de remarquer qu'on vient de terminer Pré-Requis avec une anecdote de moi qui avait une araignée sur le trottoir. J'ai une autre anecdote pour commencer l'émission. Ben, vas-y. Hey, tu sais, je m'étais tout bien arrangé. Tu sais, quand t'es en retard le matin, hein? Ben non, t'es pas arrivé en retard, t'es juste jamais. Arrivé juste. C'est ça, je fais jamais ça. Donc, au lieu de partir à 10, je partais à l'écart de chez nous, tu sais. Okay. Fait que, bon, je marche vite. Là, j'ai un message texte, je me dis, je vais ouvrir mon message texte de David Ferron, tu sais. Oui. Et là, je marche, et sur le trottoir, la seule place dans tous toutes les 15 minutes sur le chemin pour m'en venir ici, il y avait une seule branche qui pendouillait dans le milieu du trottoir, dans les airs, là, à la hauteur de ma tête. Ouais. Avec une grosse motte de feuilles mouillées. Oh non. Fait que je suis foncé directement dedans, puis ça m'a tout mouillé. Mais il n'y avait pas d'araignée dedans. Pas d'araignée dedans, okay. Non, c'est ça. Mais c'est mieux que rien. Un peu rigueux. Je suis supposé passer la journée avec ces cheveux-là, moi. Ben, c'est pas si pire, au moins. Là. On a des salles de bain ici, tu vas pouvoir te rafraîchir. Okay, je pensais que c'était pas si pire, genre que je parais bien. Ouais, aussi, okay. Ça paraît pas. Non, honnêtement, ça paraît pas. Merci, ça a eu le temps de sécher. Alors, c'est ça, ce soir, il y a de l'improvisation à la chasse-galerie. Il faut que je sois présent et en Mais oui! Pour ça. Tu animes, oui. C'est bien ça. Match Olympiade, on en a parlé avec Gabriel Béaud jeudi dernier. C'est le match où les capitaines s'affrontent dans une genre d'Olympiade avec de la concentration, de l'endurance, des épreuves comme ça devant le public à 20h ce soir à la Chasse-Galerie. On aura l'occasion de peut-être en reparler d'ici la fin de l'émission. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, Tania, on va avoir David Ferron et sa nouvelle chronique, La carte bleachée. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était ma question, en fait. Ça veut jamais rien dire, c'est David Ferron. Ah, voilà. À chaque année, il nous amène un nouveau concept et il faut qu'il l'explique à chaque fois parce que ça se tient comme plus ou moins. Mais on aime ça. On aime ça, ça donne un petit défi à votre cerveau. C'est comme les Olympiades. Ben, c'est ça, exactement. C'est la même chose. C'est la course à obstacles et David Ferron est l'obstacle lui-même. Mathieu, on cherchait la semaine dernière... oui, dis-nous. Des noms de chroniques pour mes chroniques, quoi. Ouais. Alors, comme tu as pu le remarquer hier sur Facebook, j'ai lancé appel à tous mes chers amis Facebook parce que, sur ton Facebook, tu avais écrit que si on trouve pas quelque chose d'ici aujourd'hui, tu allais trouver toi-même un nom de chronique. Alors, je veux juste... Attends, faut dire que ce que j'ai dit, c'est que j'allais t'écrire quelque chose jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. Et voilà. Je te l'impose pas pour toujours, là. C'est pas ça, là. Alors, j'arrive avec quelques idées, en fait, qui m'ont été proposées sur Facebook. Faut que je les approuve, en passant. On va voir ce que tu as dit. Alors, il y a Robert Legault qui dit la Macédoine à Tania. Ce qui n'est pas si pire. En direct du blé d'Inde, non. Il y a Hélène Bourdin qui dit dans la sacoche à Tania, ce que je trouve très bon quand même. C'est pas si pire. Côté féminin, très ressorti ici. Et je dois dire que j'apprécie particulièrement celle-là. Martine qui est ici qui dit amalgame de Tania. Amalgame de Tania, OK. Il y a aussi Mathieu Brière qui dit en mode Baudin. Mon animatrice, que j'ai de mieux que la tienne. Oui, c'est une belle émission de V. Il y a aussi Hey en passant. Hey en passant. OK. C'est Hey en passant. J'ai pas ça. Ce que j'ai trouvé là. Ouais. Tu sais, c'est pas super. Ça vient de Mathieu Fredette. Il y a aussi Isabelle Pelletier qui dit le potluck de Tania. J'ai pas ça sur le. Ce qui est un ramassier d'assemblage aussi. Alors, Isabelle Pelletier, Isabelle Thier, comment on l'appelle? Oui, c'est ça. La shop de. Ouais. Alors, ça, c'est quelques idées que les chers petits amis Facebook ont trouvées jusqu'à maintenant. Il y en a des bons. Là. Ça a du potentiel. Ça a du potentiel, à vous. On va se mettre ça en bouche un petit peu. C'est mieux que Bowden Breakfast. Bowden Breakfast, c'était cœur. Un Bowden, tu sais, un Bowden. Hey! Est-ce que je l'ai dit l'autre fois que ça t'a pris comme 5 minutes avant de la comprendre? Non, mais c'est parce que les gens, à chaque jour, on l'a dit, mais les gens n'ont pas encore entendu la publicité avec celle-là. Ah, parce qu'elle n'est pas encore en nombre. Elle n'est pas encore en nombre. Excuse-moi, j'écoute pas ça, c'est fou, il y a juste du baseball à cette station. Alors, tu dois être habitué. On pourrait passer 15 minutes dans l'ouverture de l'émission. Ben oui, on pourrait, parce qu'en fait, on pourrait faire un léger segment ici, dire que les oiseaux de la ville de Trois-Rivières sont en finale et ont gagné hier. Les aigles ont gagné. Moi, je pensais que le baseball se terminerait lundi dernier. Ben oui. Non. Il y avait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de suite de baseball pour la demi-finale. Et là, ils ont gagné leur demi-finale et s'en vont en finale. Ça va être mardi et probablement mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et voilà. Sûrement. On vous tient au courant. On vous tient au courant, mais c'est quand même très bon pour la ville. Là. Hier, sur Facebook, mon Dieu, les réseaux sociaux étaient remplis de vidéos des aigles qui célébraient leur victoire en semi-finale. On est quand même très fiers de notre ville, là, on doit le dire. Même moi, j'ai regardé cette vidéo-là tellement je trouvais ça cool quand même qu'il a gagné. À vous. Moi qui n'aime pas le baseball. Toi qui n'aime pas le baseball, mais qui en fait la mise en onde tous les soirs. C'est exact. C'est la job où ce n'est pas important d'aimer le baseball. Et voilà. Bon, donc commençons là cette émission-là, Tania Baudin. Pas le choix. À 7h37, comme ça. On l'a dit, David Perron va être avec nous à 8h30 pour sa chronique La Carte Beachée. Tu vas nous faire ta chronique en quelque part dans l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. Et on ramène, c'est un fait, la chronique éducative, donc on va apprendre des choses tous ensemble. On va commencer ça dans quelques instants, mais avant, voici une pièce de Patrick Watson, Love Songs for Robots. Ça va commencer relax. Tu sais, on était en forme dans l'intro, on a vraiment parlé fort et longtemps, tu sais. Mais un petit snooze une fois de temps en temps. C'est toujours bien apprécié. Down. Love Songs for Robots de Patrick Watson sur son album qui se nomme aussi Love Songs for Robots à Assemblage Requis. Si vous écoutez l'émission depuis longtemps, vous savez qu'une de nos chroniques fétiches, celle que les gens attendaient le plus, c'était celle où on apprend des choses, parce que c'est important d'être au courant, tout en se divertissant, parce qu'à un moment donné, on va pas juste dire des affaires qui sont pas intelligentes, là. Mais non, il faut pas, faut quand même entretenir notre cerveau, puis c'est très important. Très important. Les affaires de gadgets inutiles, là, on s'entend que ça sert absolument à rien en vie. Ça ramollit notre cerveau, ça. C'est ça. Dépendant du jour, aujourd'hui, on apprend, voici, c'est un fait. Et Tania, je sais que c'est ta première... chronique, c'est un fait? Oui. Donc, tu connais pas le principe de la chanson? Je ne connais absolument pas le principe de cette chronique. Est-ce que tu connais les chansons à répondre? Oui, quand même. Est-ce que tu as envie, parce qu'il va y avoir deux fois l'ouverture? OK. Écoute-moi la première fois et participe sur la deuxième fois, ça va? On va essayer. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. OK, on va l'arrêter, on va recommencer, okay. Parce que clairement, c'était pas très très bon. Mais c'était très bon, moi, j'ai trouvé. Oui, c'était pas si pire, mais là, tu vas l'avoir depuis le début. OK. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Bon. Merci à trouver la note sur laquelle la parler. Et voilà. Donc, c'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Selon sources sûres qui sont sur assemblagerequis.com. Donc, si jamais vous ne me croyez pas, vous me dites, c'est donc ben n'importe quoi ce que tu dis, Mathieu Plante. Ben, premièrement, blâmer Tania, ma recherchiste, en fait. C'est pas vrai du tout. C'était tellement gratuit. Vraiment. Les sources sont sur assemblagerequis.com et clairement, elles sont toutes sûres. Espérons-le. Hein? Espérons, sinon, c'est la faute d'Internet. Donc, un groupe de femmes nommé les 9 nanas. Tu connais les 9 nanas, c'est pas les super nanas? Moi, c'est ça, je m'en allais dire. C'est-tu parenté avec les super nanas? Peut-être leur cousine. Donc, qui avait un secret pendant plusieurs décennies, même leur mari n'était pas au courant. Pendant 30 ans, elles se rencontraient à 4 heures du matin et payaient les factures de façon anonyme et achetaient des vêtements pour les gens dans le besoin. Chaque petit paquet venait avec un petit gâteau. On fait un gros gâteau fait maison et une note qui disait « Quelqu'un t'aime ». C'est pas la première fois que j'entends ça. Ah ben, c'est dans le West Tennessee que ça se passait, ça. Pas si loin de Graceland, Elvis Presley. C'est ouais. Donc, une seule mission, créer du bonheur. Ça a commencé avec des pâtisseries ou en tout cas des gâteaux, des trucs comme ça. Et puis, les femmes ont commencé à écouter. Il y avait des gens qui avaient de la difficulté financière. Ils mettaient de l'argent de côté. Leur mari ne remarquait jamais rien. Et tout le reste se passait très bien. Donc voilà, c'est les Nine Nanas. Mais on aime ça, c'est super gentil. Ça en prend du monde comme ça. Ouais, il y en a pas tant. Il y en a plus beaucoup, je te l'accorde. Mais c'est bien que les gens se cachent et gardent ça secret. Ils font pas genre, hey, moi je suis hot. Ouais, c'est j'aide ça. J'aide les gens, je fais du bénévolat. Tout à fait. Moi aussi, je fais du bénévolat, tu sais, j'en aime l'impro. C'est du même calibre, pareil. Même calibre, c'est la même chose. J.K. Rowling, auteur de Harry Potter, tu connais? Ben oui, certainement. A dit à Alan Rickman, l'acteur qui joue Snape. Oui. Okay. Elle a dit à Alan Rickman la fin de l'histoire de Snape. Là, je vous volerai pas les spoilers ici. Non. Avant d'apparaître dans les films, dans le rôle de Snape dans Harry Potter. Résultat de ça, il se chicanait souvent avec les réalisateurs basés sur des choses qu'il savait qu'elle arrivait, mais que les réalisateurs ne savaient pas que ça allait arriver. Non, mais comment ça, lui, il a eu le in là, avant tout le monde? Le privilège, bien sûr, parce que c'est un personnage très, très, très, très, très important. Et pour ceux qui ont vu les films et le spoiler qu'ils connaissent, que j'ai pas à leur dire, c'est en effet un assez gros spoiler. Ouais, quand même assez. Mais qui a pas vu Harry Potter de nos jours? Bon, vraiment, 2015, toute la saga. Moi, chaque année, je fais un marathon Harry Potter. Avant Noël. C'est même pas des blagues. Marie Potaton, non, attends. Je vais laisser faire ça. Non. Il trouvait ça quand même assez amusant. Il y a des moments où le réalisateur disait à Alan de faire quelque chose dans une scène et Alan disait « Non, je peux pas faire ça, je sais ce qui s'en vient et tu ne le sais pas. » Ah, voilà. Dans tes dents. Il y avait un prodige. C'est quoi un prodige? C'est un pro de la tige. Ah, peut-être. C'est un jardinier. Ah, OK. Donc, un prodige enfant nommé Michael Kearney qui a dit ses premiers mots à l'âge de 4 mois. Il a gradué au collège, à l'université, ça, à l'école de l'université, avec un diplôme en anthropologie à l'âge de 10 ans. Ensuite, il a commencé à enseigner à l'université à l'âge de 17 ans. Il a aussi gagné $1 million dans des jeux télévisés. Ben, tu sais, quand t'es intelligent pis t'es capable d'en faire quelque chose, si bien aller jouer à un jeu télévisé et gagner des millions, quoi. Télévisé, ça c'était le jeu de quiz de Lise Dion, je pense. C'est ça, télévisé. En 2012, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'Internet iranien, disant que Pepsi prévoyait utiliser un laser vraiment puissant pour envoyer l'image de leur logo sur la surface de la Lune. Des milliers d'Iraniens ont grimpé sur leur toit, et ont regardé la Lune. Il s'est rien passé, et certains ont acheté du Coca-Cola. Pour être méchant, pour prendre leur revanche, ben, calme, gâtez-vous. Hein. Pas le choix. Ça aurait été bon, on a des photos ici sur assemblagehockey.com du logo de Pepsi superposé sur la Lune. Là. Quelqu'un a perdu son temps avec Photoshop. C'est, ça serait du beau marketing, quand même. Quand même. Tu viens de le dire, c'est du gros marketing. Là. Si tu réussis à faire ça, t'es hot en tabarouette. C'est ça, puis changer ton nom pour Dr. Pepper. Aussi. Dans le film, il faut sauver le soldat Ryan. Saving a Private Ryan. Le combat d'armée était tellement réaliste que plusieurs vétérans ont quitté le cinéma pendant la scène d'ouverture, disant que c'était la chose la plus réaliste, la version la plus réaliste d'un combat qu'ils avaient jamais vu de leur vie. Des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui disaient que c'était très, très réaliste. Donc, des vétérans du D-Day et du Vietnam, ont quitté les cinémas au lieu de finir de regarder la scène d'ouverture montrant l'invasion de Normandie. Plusieurs qui ont le désordre du stress post-traumatique, le PTSD. Ben oui, hein. Voilà, donc on a dit qu'ils étaient plus vulnérables psychologiquement, qu'ils devraient éviter de regarder ça. Mais c'est sûr qu'il fallait pas s'attendre à une comédie. Hein. Pas tellement, non. Soldat Ryan. Ça doit être quand même assez difficile quand tu l'as vécu. Je suis d'accord. Ouais. L'Allemagne qui change 60 bases militaires en réservation pour des animaux rares. Donc, l'Allemagne, qui a transformé 60 bases militaires, on reste dans l'armée, là, en réserve naturelle. Leur idée est de créer des oasis verts, des sanctuaires pour de rares espèces d'oiseaux. Le ministre de l'Environnement, Barbara Hendricks, la ministre, a dit donc qu'ils allaient transformer ces forces armées allemandes. Ils ont mis plus de 31 000 hectares ou 76 600 acres. Je comprends ni l'un ni l'autre. C'est beaucoup de champs verts, ça, je pense. C'est ça, donc de forêts et tout ça, en réserve pour les petits zozillos. Je sais pas si les aides vont pouvoir les vivre, là, pour avoir gagné. C'est tellement vrai. C'est ça quand t'écris pas tes blagues à l'avance. Et voilà. On y va avec des fleurs, on reste dans la nature, Tadjan. Ben oui. Des arrangements de fleurs qui sont en fait des desserts au Japon. Est-ce que tu as vu les photos sur assemblagerookie.com? Les gens peuvent suivre. Ben, je suis là. C'est-tu pas joli, ça? On dirait les bulles que tu brasses et qu'il y a de la neige. On dirait dedans. Une meringue. Une meringue, en effet, ou un gros beigne. Ou un lifesaver. Mais j'avoue que ton idée de, tu sais, la boule de neige que tu peux shaker. Que tu brasses et que ça fait tomber de la neige, mais là, les feuilles ne bougeront pas parce qu'en fait, c'est des fleurs suspendues dans de la gélatine. Tu m'as avoué la semaine passée ton amour indébattable pour le Jell-O. Oui, lors d'un dîner. J'apprends à te connaître. Ben oui, voilà. Je t'ai fait part de cet amour flagrant pour le Jell-O. Merci à ma grand-mère. Des émotions. J'ai tellement vécu d'émotions en entendant ça. Donc, des fleurs merveilleuses, très jolies, suspendues dans de la gélatine. C'est donc un dessert bavarois. Donc, c'est à Tokyo. C'est le Havaros Bavarian Cream Dessert. Hein, c'est vendu à Shibangi. Ça, c'est un endroit où les gens peuvent magasiner dans Tokyo Station. Et ça contient de vrais pétales de fleurs. C'est difficile à fabriquer. Et souvent, les magasins déclarent forfait en disant qu'ils les ont tous vendus. Mais ils se mangent, toutes les pétales. Ça se mange. Des pétales. Mais je me demande si c'est bon. Des pétales pilées. Ça battra jamais le Jell-O de ma grand-mère. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Jell-O de ta grand-mère, non? Elle fait avec amour, voilà tout. Ah ben voilà. Justement, parlons de Jell-O. L'article que j'ai posté sur assemblagerookie.com commence en parlant de train. J'ai pas envie de parler de train, j'ai envie de parler d'un gars qui travaillait dans les trains, mais que ça a mené au début du Jell-O. Tiens. Donc, la femme d'un gars là, qui travaillait dans les trains, là, sa femme Mary, a inventé le Jell-O. Donc, c'est Madame... C'est Mary Bixby, j'imagine, son nom de famille. C'est ça que je vois, là. C'est ça qui n'est pas super clair. Bixby. Ben, son mari s'appelait Pearl Bixby. Wait. Ouais. Pearl Bixby, wait for it. Of Leroy. Voilà, of Leroy, New York. Bref, Pearl a donc fabriqué, c'était de la gélatine en poudre. Hein? Et son mari et elle, Mary, ont ajouté de la saveur. Les premières saveurs de Jell-O étaient citron, orange, fraise et framboise. Les classiques. Les classiques qui existent encore aujourd'hui. Il n'y avait pas de lime et des affaires fancy de même. Non, non. Donc, les Waits n'ont pas dû attendre très, très longtemps. L'article est hilarant. Donc, les Waves n'ont pas eu tant de succès que ça avec leurs produits, en fait. Et en 1899, ils ont vendu la formule, le brevet et le nom, la marque de commerce, à leur voisin, Frank Woodward, qui était propriétaire du Genesee Pure Foods Company, qui éventuellement est devenue la compagnie Jell-O. Et ça a fait de M. Woodward un homme riche. Jell-O était l'une des premières compagnies à passer la publicité à la radio. Pas les contacter, C'est pas rien, c'est pas rien. On sait chez les aigles. Ouais, c'est ça. En 1904, bien longtemps avant que Jell-O devienne le dessert préféré des États-Unis, Woodward passait la publicité pour son produit dans le magazine Ladies Home Journal en disant que c'était le dessert préféré des États-Unis. Ça fait de Jell-O, donc, le dessert préféré des États-Unis. Quand tu vois, je suis pas la seule. C'est comme quand tu dis que Oreo est le biscuit préféré du lait. Soudainement, le lait capote puis en veut plus, t'sais. Soudainement. Influencé comme ça par la publicité. Le slogan d'origine a été remplacé en 1964 par « There's always more room for Jell-O ». Il y a toujours plus de place pour le Jell-O. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et selon l'humoriste John Candy, la personne qui a dit que rien n'était impossible n'a jamais essayé de taquer du Jell-O à un arbre. Oh. L'humour absurde de John Candy. De grands mots. Jean Bonbon, comme on l'appelle dans le domaine. Les personnes âgées, je la trouvais plus drôle que je pensais que tu allais la trouver drôle. Ah, je suis désolée. Merci. Les personnes âgées du Portugal, passons à un tout autre sujet. Ben oui. Qui commencent à faire de l'art dans la rue. LATA65 est une organisation qui connecte les personnes âgées avec les générations plus jeunes en leur donnant de la peinture en spray et en trouvant des endroits où ils peuvent taguer, stenciler, ça c'est faire du pochoir, et de la peinture, donc des stencils, là, c'est un genre de carton avec des trous dedans, tu passes ton spray dessus, on comprend, comme quand ils font les lignes dans la rue. Donc, c'est une initiative portugaise pour aider donc vraiment les générations à se rejoindre. C'est un atelier d'art créatif urbain. Et puis, c'est ça. Il y a une grande scène artistique à Lisbonne. Lisbonne, c'est bien ça qu'on dit, Lisbonne? Oui, c'est bien ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. Donc, ça essaie de détruire les stéréotypes entre les personnes âgées et les personnes moins âgées. Ah, mais on aime ça. Puis ils ont tellement l'air à avoir du plaisir. On vous le répète, assemblagereiki.com pour voir tout ce qu'on est en train de vous dire. Mais ils ont vraiment l'air à avoir beaucoup de plaisir. Tellement. Alors... Tellement ça joue à Attack Barbecue que c'est... ça aide plus d'avoir du plaisir. Ensuite, il y a un homme qui... ça, c'est pas vraiment de l'Attack Barbecue. C'est un petit peu plus mortel, je te dirais. Ouais, juste un peu. C'est un homme qui s'injectait du venin de serpent pour essayer d'avoir un meilleur système immunitaire. Il a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans, a survécu à 172 morsures de serpent et a donné son sang à des victimes de morsures de serpent. Son nom était Bill Haast, H-A-A-S-T. Un homme courageux. Un homme courageux, mais assez fou. 89 ans. Non, encourage pas ça. Un étudiant allemand de 23 ans nommé une étudiante en passant, la photo le montre clairement. Une étudiante, au lieu de juste lire le texte, tu peux aussi regarder la photo. Donc, une étudiante allemande de 23 ans nommée Leonie Müller a conclu avec un savant calcul mathématique qu'une passe de train à temps plein, ouais, d'accord, coûtait moins cher qu'un appartement à louer. Okay? Elle a donc échangé son appartement pour une vie en mouvement perpétuel avec une passe permanente de train. Ben oui, parce que dans les trains, si je me souviens bien, là-bas, t'as des lits puis tout ça. Ouais. C'est tu voyages, mais c'est pas juste un train comme ici à Montréal, mettons, là, où ça fait... C'est pas le métro, mettons. C'est ça. Ouais, avec des bosses. C'est pas Terrebonne, Montréal. Là, c'est un peu plus long que temps. Hein, que ça. Et voilà. Donc, c'est ça, c'est... elle a 23 ans. OK, l'équivalent de $380 par mois, elle peut se prendre un train n'importe quand, jour et nuit. Donc, elle voyage avec son sac à dos. C'est facile pour elle de changer de train et d'attraper un train de nuit. Elle se lave dans les salles de bain à l'intérieur du train. Et puis, quoi d'autre comme détail? Le réseau de train est vraiment assez énorme en Europe. Très ouais, impressionnant, c'est ça. Apparemment. Ça lui permet de visiter ses amis. Et d'aller dormir chez sa famille si elle veut, sans trop d'efforts ou de planification, tellement le train passe souvent. C'est la différence avec ici. Oui, vraiment. T'sais, les trains, ils sont là jour et nuit. Day and night! Pas ici au Québec, malheureusement. Plus précisément à Montréal, parce qu'évidemment, à Trois-Rivières, on n'a pas de... On n'a pas du tout de train. Fait que c'est déjà... Tu peux faire mieux, voilà. Déjà. Il fut un temps où on en avait, mais c'était seulement la gare de Trois-Rivières. Ah, j'étais pas là à l'époque. Savais-tu qu'il y avait un Facebook en 1902? Hein? Ouais. Mais un article de journal qui a été publié au Royaume-Uni dans un journal nommé le Western Times. Oui-ha! Hi-ha! Comme le festival. Hi-ha! Ouais. Donc, c'est écrivait un livre où tout le monde qui venait rester dans cet endroit-là devait dessiner son visage. et signer son nom en dessous. C'est intriguant. Face de livre. Face de livre, livre de face. Donc, c'est ça, ça s'appelait Facebook. Les gens qui venaient habiter là devaient dessiner leur visage. Or, ça, veux-tu dire qu'il y a des ancêtres de ces gens-là qui pourraient poursuivre Facebook pour le nom? Infraction du copyright, du droit d'auteur, je sais pas. On donnera pas d'idée, là, mais on dit ça comme ça. Colin, tu risques, là, tu viens de risquer l'image de ces fous. C'est nous qui allons se faire appeler pour avoir les détails, puis on les connaît pas. Je suis désolée. Honte à toi. Faites pas ça. Pendant la guerre froide, les agents du CIA, de la CIA, comme on dit des fois, on le dit au féminin, les agents utilisaient une méthode de communication basée sur leur lacet de souliers. Ah bon? Des signaux pour aider les agents à communiquer sans se faire observer. C'est donc des patterns, une façon de lacer tes souliers qui envoyaient un message. C'est évident qu'à la radio, ça va être difficile à expliquer un petit peu. Mais ouais. Disons qu'un certain petit chassé-croisé à moitié dans tes lacets, c'était « j'ai des informations à te donner ». Oui. Un chassé-croisé un petit peu plus compliqué encore, c'est « suis-moi ». Et un chassé-croisé encore plus complexe avec, on dirait, une toile d'araignée dedans, c'est « j'ai amené une autre personne ». I have brought another person. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je suis pas dans le CIA. Mais l'illustration vient d'un livre nommé The Official CIA Manual of Trickery and Deception, basé sur deux manuels écrits par un magicien professionnel du nom de John Mulholland. Et pendant la guerre froide, la CIA a engagé Mulholland pour enseigner à leurs agents secrets des trucs de prestidigitation. Ça, c'est la magie de main, de doigts, de cache-cache, de passe-passe. Des signaux secrets, donc, pour pouvoir l'utiliser sur le terrain. Mais c'est génial. J'adore ce genre de fait-là. Moi, ça... Je veux un film avec ça dedans. Il y a sûrement déjà ça. T'as pas déjà écouté James Bond, probablement, qu'il le fait dedans. Probablement. Faudrait que je sois plus attentif. Certaines usines de cigares cubains... Ah, d'accord. Oui. ...employaient des lecteurs. On en a quatre ici, des lecteurs CD. Des lecteurs qui pouvaient lire les journaux, des traités politiques et de la littérature classique à voix haute pour aider à calmer la monotonie, si on veut, à enlever la monotonie du travail de ceux qui roulaient des cigares. Donc même les rouleurs de cigares illettrés pouvaient être bien informés et familiers avec la grande littérature. Il y a des photos sur assemblagerequis.com d'un monsieur en train de lire le journal à aux employés, finalement. C'est l'ancêtre de l'application Audible.com. Exactement. Tu sais, cette chère application qui vous lit le livre que vous êtes trop lâche pour lire, bien, c'est vraiment l'ancêtre. Là. Il lit le journal pour les gens qui travaillent. Et lui, c'était gratuit. Il n'y a pas de code promotionnel à marquer pour avoir un livre gratuit. Ouais, voilà. Lors de l'inscription, en utilisant le code promotionnel. On a trouvé l'ancêtre de Audible.com. Voilà. Est-ce que tu écoutes des livres audio? Non, aucunement. Je les lis. Tu lis des livres audio? Non, je lis les livres. OK, je pensais que tu lisais des livres audio comme pour faire ta voix sur un livre. Oh, c'est comme une belle voix, tu sais. Ah, oh, merci. Je devrais peut-être appliquer à Audible.com. Même si tu la trouves aiguë lorsque tu t'écoutes toi-même? Oui. Et pas si aiguë que ça. Je la trouve aiguë. Bon. Lloyd Scott. Lloyd Scott? Tu connais Lloyd Scott? Tout le monde connaît Lloyd Scott? Non. Absolument pas. Je t'avais de le connaître. Ce qui est fait avec le nom Lloyd Scott, c'est que c'est deux fois la même consonne au début. De Lloyd. Ouais. Et deux fois la même consonne au nom à la fin de Scott, OK? Et au milieu, t'as OYD et SCO. C'est comme, il est miroir son nom, mais avec des lettres différentes. Tu comprends ce que je veux dire? Deux lettres pareilles à la fin pour le début? T'as-tu souvent des réflexions de même? Un petit peu de toc, hein? Ouais, hein? Donc, Lloyd Scott, qui a couru le marathon de Londres moins d'un an après une transplantation de sa moelle épinière. Quand même. En voulant dire qu'il y avait une vie après la leucémie. Il est célèbre pour avoir couru le marathon dans le temps le plus lent. Non seulement parce que Colin, il y a eu une maladie, j'imagine, mais aussi parce qu'il courait avec des costumes très très lourds, comme un costume d'Indiana Jones qui tirait sur une roche de 350 livres. On s'imagine que la roche ne pesait pas vraiment 350 livres. Ouais, j'espère pour lui. Et déguisé en chevalier avec une armure de 100 livres qui tirait sur un dragon de 200 livres. Fascinant, le gars avait la leucémie, puis maintenant il court des marathons lentement. Il a ramassé plus de 5 millions de livres. Encore une fois, j'ai pas ma petite application de conversion sur cet ordi-là. Je ne pourrais te dire. 5 millions de livres pour plusieurs causes charitables. Donc, c'est des événements pour ramasser de l'argent, des levées de fonds, si on veut. On estime que 10% de la population en général souffre d'alexithymie. Sais-tu ce que c'est de l'alexithymie, Tania? Non. Qu'est-ce? C'est l'incapacité à identifier et à décrire tes propres émotions. Oh mon Dieu, j'en souffre peut-être. Alexis, Timmy, comment te sens-tu en ce moment, Tania Baudin? Très bien, très bien. Ah bon, t'es capable finalement. Ouais, c'est ça. Donc, je suis meilleure dans certaines situations que d'autres. T'as d'autres talents. L'alexithymie, donc, c'est un désordre de la personnalité. qui est l'incapacité subclinique d'identifier et de décrire tes émotions de toi-même. Donc, la caractéristique principale, c'est une dysfonction de... Ça, c'est toujours difficile à traduire en français, tu me comprendras. Emotional awareness. Emotional awareness, l'attachement social et les relations interpersonnelles. Donc, les personnes qui souffrent d'alexithymie ont aussi la difficulté à distinguer et à apprécier les émotions des autres. Ah. Dans Best Friends Whenever de Disney... Ouais, cette fameuse émission dont on a parlé la semaine passée. Le personnage, un des personnages principaux, le Barry, celui dans le laboratoire, n'est pas capable de distinguer si quelqu'un est fâché. Il y a des cartons avec des visages de dessinés dessus pour pouvoir matcher. Ah, OK, fâché ou ah, perturbé. Donc, il fait de l'alexithymie. De l'alexithymie, on dirait vraiment un nouveau prénom de 2015 quand tu veux... Ça, ou on peut appeler ça des gens antisociables aussi. Oui. C'est pas un personnage dans South Park, ça, alexithymie? Je sais pas. J'écoutais pas tant South Park. Bref, je t'ai complètement coupé dans ta belle phrase, mais bon, c'est 10% environ de la population en général qui a ça, avec plusieurs autres conditions psychiatriques reliées. Le terme alexithymie a été inventé par le psychothérapeute Peter Sifnios en 1973, et selon l'Oxford English Dictionary, le mot vient du mot grec lexis, qui veut dire parler, et thumos, qui veut dire l'âme, donc là où les émotions, les sentiments et la pensée sont. Modifié avec un... Je comprends rien de ce que ça dit. Modifié par un alpha privatif qui veut dire littéralement aucun mot pour des émotions. Voilà. Bon. T'essaieras de traduire alpha privative. C'est assez difficile, hein? Je suis pas en psychologie, moi. Voilà, c'est assez pour le premier bloc de C'est un fait. On a un autre tantôt. Tania? Ben oui, on a un autre tout à l'heure. On n'a jamais assez. On n'en a jamais assez. On doit toujours, toujours garder notre cerveau à l'affût. Actif! Et voilà. Voilà. On prend une pause au retour à Assemblage Requis, une deuxième portion de C'est un fait. Et dans un petit peu moins d'une demi-heure, David Ferron sera là pour sa chronique La carte bleachée. Je vais devoir m'habituer. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 14 septembre 2015. Il est Tania Baudin. Bon matin. Moi, c'est Mathieu Plante. Toujours présenté par la GEQTR cette session-ci. Donc, Assemblage Requis qui est présenté par l'Association Générale des étudiants de l'UQTR. On le rappellera jamais assez. On l'a dit deux fois la semaine passée. On n'a pas le choix. C'est ça, on n'a pas le choix. Donc, on va continuer tantôt avec du C'est un fait encore pendant une quinzaine de minutes. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce. Te rappelles-tu laquelle? C'est Constance de Vilaine fille et Mauvais garçon. Fille, mauvais garçon avec la pièce Constance sur l'album. Vilaine fille, mauvais garçon, c'est en position numéro 12 du palmarès francophone de C'est fou. Alors, c'est pas ta feuille trop loin, ça va retomber dans un crack. J'ai lancé ma feuille trop loin. Ben oui, j'ai bien vu ça. Est-ce qu'on entendait ça? On l'entendait, oui. Bon. Toujours assemblage requis. Tantôt, on a dit qu'on allait continuer, c'est un fait. Parce qu'on a envie d'apprendre encore plus. Et début de la session, il faut faire entrer le plus d'informations possible. C'est comme le premier cours, tu sais. T'écris rien, tu fais juste absorber. Tu fais juste absorber et c'est beaucoup trop. Trop d'informations. On va retenir quoi là-dedans? Absolument rien. Sauf, j'espère, la chanson thème, Tania. Ah, hein? C'est faut la refaire. Bien, là. Ben oui. Hey, je m'en souviens même plus. Ben oui, attention. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Plus aigu. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ta-da-ta-ta-da-ta. C'est un fait, la gagne des choses véritables et vérifiables. Là, tu commences à l'avoir, là. T'es presque aussi bonne chanteuse que moi. Hey, on s'en reparlera. Presque. Commençons avec un phénomène qui s'appelle l'inattentional blindness, Tania. OK, oui. Inattentional blindness, on pourrait traduire ça comme l'aveuglaison inattentionnelle. Inattentionnelle. L'aveuglitude. Les gens qui se cachent les yeux par sans vouloir. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est l'impossibilité, l'incapacité à remarquer quelque chose qui est complètement visible, mais inattendu parce que ton attention est engagée dans une autre tâche, un autre événement ou un objectif. Finalement, t'es dans la lune. T'es dans la lune. Les téléspectateurs, les gens qui vont regarder une vidéo qui est sur la source, sur assemblagerequis.com, les gens ont regardé une vidéo où il y avait beaucoup de gens qui marchaient d'un bord à l'autre de la salle, d'une pièce, OK? Ouais. Et à un moment donné, arrive d'hors écran un gars dans un habit de gorille. OK. Okay? Et donc, il y avait des gens en t-shirt blanc qui se passaient un ballon. 50% des gens qui ont regardé cette vidéo-là ne voyaient pas qu'il y avait une femme déguisée en gorille. 50% parce qu'il y avait leur attention sur le ballon. Ah! C'est intéressant. Donc, on est trop concentré sur d'autres choses. Pour remarquer l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, « the elephant in the room », ben parce oui, que et c'est voilà. Un gorille. Moi, je trouve ça fascinant. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Tu connais Mr. Bean? Ben oui, qui connaît pas Mr. Bean? Rowan Atkinson, un héros personnel à moi, a déjà empêché un avion de crasher, finalement. Sauvant sa femme et ses deux enfants quand le pilote est tombé dans les pommes sans connaissance. Éventuellement, il a giflé le pilote pour le réveiller. Rien de moins difficile, hein? C'était en 2001. Flack! Rowan Atkinson, donc connu sous le nom de Mr. Bean, a donc participé à quelque chose de très, très dramatique. Le pilote est tombé sans connaissance au contrôle de son avion privé. Donc, c'était un Cessna 202. La famille était environ à 45 minutes du début de leur voyage à Ukundu Airstrip dans à Wilson Airport au Nairobi. Hein? Ben oui. Au Nairobi. Le pilote de l'avion privé, donc tombé sans connaissance. Atkinson et sa femme Sunetra, qui voyageaient avec leurs deux enfants Ben et Lily, ont essayé de ramener l'homme à la vie. Atkinson a été forcé à prendre le contrôle de l'avion, même s'il n'avait jamais piloté avant. Le pilote a repris connaissance quand il a giflé Atkinson. Il a réussi à faire atterrir l'avion en sécurité à l'aéroport. Quand même. Est-ce qu'il a déjà fait autre chose que Mr. Bean, lui? Hein? Rares sont les fois où j'ai pu le voir dans d'autres choses. Il a fait un film où il était un agent secret ou un genre de James Bond. Ouais, mais il parlait pas plus. Oui, un film où il parlait. Ah! Et il a appelé son fils Ben. Je trouve ça drôle parce que ça se ressemble vraiment quand même beaucoup. C'est ma réflexion de journée. Oh, genre. Et les Britanniques, voilà. C'est plus genre Bean. Bean. Ouais. Bean. Hey, Bean. Hey, Bean. Donc, c'est ça, il a joué Johnny English. Ah oui, voilà. C'était le nom que je cherchais. Voilà. Ensuite, et plein d'autres choses. Allez voir sa page IMDb, elle est quand même assez garnie. Un père, maintenant, qui n'aimait pas que les crayons de cire soient gaspillés. On dit qu'à chaque année, environ 75 000 livres de crayons de cire sont jetés par des restaurants et des écoles. Oui. Ouais. Un homme de San Francisco, un père, Brian Ware, a entendu parler de ça. Immédiatement, il a vu une opportunité, toi. Il a commencé à faire fondre des crayons de cire usagés dans sa maison et verser ça dans des moules qu'il a fait lui-même pour les réutiliser, pour réutiliser la cire. Il les laisse se reposer pour que ça se solidifie avec un tamis à pâte, on dirait. Ouais, on dirait. Ouais, vraiment. À partir de chaque moule, donc, il va faire 96 nouveaux crayons. Et la grande différence entre ces crayons et les crayons traditionnels, c'est leur grandeur. Les crayons de Ware sont deux fois plus épais, plus de deux fois plus épais, et en plus sont beaucoup plus faciles à tenir dans les mains des petits-enfants qui ont des handicaps. Oh! Et une fois que les crayons sont remis dans des emballages, ils sont livrés à différents hôpitaux et des écoles en Californie. Jusqu'à maintenant, le Crayon Initiative a déjà livré plus de 2000 boîtes de crayons de C recyclés. Et pour Ware et son équipe, c'est l'important, c'est l'impact qu'ils sont capables de faire sur la vie des enfants. Ça leur donne une chance de s'échapper de leur, dans leur tête, de leur chambre d'hôpital pendant 10 minutes. On a fait notre travail. Une autre personne qui change le monde à sa façon. Un crayon à la fois. On aime ça. Vous pouvez aller voir leur page Facebook sur The Crayon Initiative. En anglais, un crayon, c'est un crayon de C. Ouais. Sur crayon. On aime ça, par exemple. On aime ça. Cette petite histoire. Voilà. Il y a un soap opéra qui est filmé entièrement sans autorisation à l'intérieur de IKEA. Ça s'appelle IKEA Heights. C'est un mélodrame comédique. Donc, c'est comme une dramédie un peu à la McBeal. Créé par Dave Seeger, Paul Bartunek, Delbert Shoopman, Spencer Strauss et Tom Kaufman pour le Channel 101. C'est une chaîne de télé de câble aux États-Unis. Il me semble que c'est DirecTV qui fait ça. Donc, la série est une parodie des soap opéra filmée à l'intérieur d'un magasin IKEA à Burbank, en Californie. Donc, IKEA Heights. On pourrait aller entendre juste le générique et voir s'il y a ça au début. On les voit coucher dans un lit chez Ikea. Candy, I had that nightmare again. J'ai encore eu un cauchemar. The one where I poison you? Celui où je t'empoisonne? Non. The one about my brother. Celui où j'ai mon frère. James. He's passed. There's no point digging up old ghosts. Ça ne sert à rien de revenir à ça. What good are ghosts if they don't haunt you? À quoi sert les fantômes s'ils ne te hantent pas? Peut-être on va essayer de travailler. Oui, ma chérie. Bisous, bisous. Bisous, bisous. On fait pas de bisous, Yann. You'll be keeping busy today. Tu vas t'occuper aujourd'hui? Ouais, j'imagine que je vais trouver quelque chose pour me divertir. Après tout, this is IKEA Heights. Nous sommes chez IKEA Heights. Regard louche. Et on voit des images d'IKEA avec James, Tom, Jeffrey, Vivian, Candice, Monsieur Taft, Federico, Nelson. Il y a un moment dans une émission de 5 minutes. Ouais, hein? IKEA Heights. Et il y a quand même tous les gens qui passent autour, qui les regardent. Oui, les gens qui magasinent chez IKEA, c'est magnifique. J'adore ça, moi, pour vrai. J'adore. Est-ce que tu as écouté l'émission? Pas au complet, non. OK. Ni le début, en tout cas, c'est de la traduction instantanée. Ouais, on a comme remarqué. Comme t'as remarqué ça. Hey, c'était pas si pire que ça, ma traduction. C'était pas si pire. Tania. Aucunement. C'était très bon. J'ai tout dit exactement ce qu'ils ont dit, madame la traductrice professionnelle. J'en suis persuadée. En tout cas. Il y a un sport qui s'appelle le Hellis en Allemagne. Le Hellis, on change de domaine. Hein. Je viens de cliquer sur le lien et je trouve ça très drôle. Le Hellis, c'est un peu comme du tennis et du soccer avec la tête. Un hybride du soccer et du ping-pong. Ouais, c'est vraiment la jonction entre le ping-pong et le soccer. Donc, un sport qui utilise une table similaire à celle du tennis sur table. Les joueurs frappent un ballon, un ballon de caoutchouc de 7 pouces de diamètre avec leur tête et la tactique du tennis et du tennis de table. Donc, on rapporte avec ça. Et des éléments du soccer comme le header, je connais absolument pas ça. C'est de faire une tête. Faire une tête? Ah oui? T'as jamais joué au soccer? Absolument pas, non. Ah. Mais l'idée de faire une tête avec un ballon de soccer, c'est de header. Eh ben. Un nageur arménien, Shavarch Karapetyan, évidemment. Évidemment. Shavarch Karapetyan. On dirait Apu Nasapi Mapetilan. Apu Nasapi Mapetilan. Je pensais l'avoir du premier coup, mais je l'ai pas eu du premier coup. Non seulement, t'es pas impressionné par ma connaissance du nom de famille de Apu Nasapi Mapetilan? Oui, tout à fait. Ça me scie les deux jambes. Tu vois, je suis sans mots. Donc, non seulement il est champion de 17 fois, champion du monde de nage fin swimming, mais en plus, il a été entraîné par son frère pendant une course de 12 000 miles de long. Il a entendu un accident d'autobus qui tombait dans l'eau. OK. Donc, il a plongé 33 pieds dans l'eau. OK. Dans l'eau. Il a sauvé 20 personnes, une à la fois. Presque 10 ans plus tard, il est entré dans un hôpital en feu pour sauver d'autres gens. C'est un nageur, le gars, et aussi un sauveteur de gens. C'est comme Écoute, un genre de Mr. Bean. Héros parmi tant d'autres. C'est ça. Un vrai Mr. Bean. Un vrai, pareil. Ça va me donner faim, peut-être à toi aussi. Tania, c'est des feuilles d'érable frites. Ah? C'est une collation automnale au Japon. Une collation qui est spécialisée à Osaka, au Japon. C'est fait en faisant frire des feuilles d'érable japonaises dans du tempura. Eux, puis le tempura. Pas du tempura, là! Non, du tempura. C'est comme les crevettes tempura. J'imagine, est-ce que tu peux faire frire des tempura dans du tempura? D'après moi, non. Sûrement pas. On se demande dans les commentaires pourquoi le Canada ne l'a pas essayé en premier. J'avoue. C'est vrai, hein? Mais d'après moi, c'est parce que ça goûte pas la même chose. Peut-être pas. Parce que leurs feuilles d'érable sont pas mal plus petites que les nôtres. Ouais. Il y a une maison à l'envers à Trassenhide, qui est sur l'île de Usedom, dans l'état de Mecklenburg-Vorpommern, évidemment. Mecklenburg-Vorpommern, en Allemagne. Une maison à l'envers, tout a été vraiment installé à l'envers dans la maison qui elle-même est à l'envers. Donc les chaises sont clouées ou en tout cas collées ou peu importe au plafond, les tables, les divans. Tout est vraiment à l'envers, les cadres sont posés à l'envers. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas de monde qui vive là-dedans, là. J'espère que non, en fait. Ça doit être comme une espèce de musée, là, je peux pas croire. Et tu vois que, la porte a quand même une entrée en bas. Là. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin de grimper avec une échelle. Quoique j'aurais aimé que tu sois forcé à grimper avec une échelle. Ça aurait été très hot. Ça aurait été mieux. Mais bon. Tu sais, quand tu fais la job à moitié. Un garçon de 8 ans a écrit à Lego pour lui demander s'il pouvait avoir un emploi chez eux. Et ensuite suivi leurs instructions. Et 15 ans plus tard, il travaille maintenant chez comme designer chez Lego. C'est Sam Johnson qui a écrit à la célèbre compagnie danoise leur disant qu'il aimait jouer avec leurs briques de couleur, leur demandant s'il pouvait avoir un emploi. Maintenant, il a gradué à l'université, il y a 23 ans, il a réussi à avoir son job de rêve comme designer junior chez Lego, travaillant au Danemark. Un porte-parole pour Lego a dit, et je cite, « Presque chaque entrevue pour un emploi qu'on a eu, où on a reçu des candidats potentiels, nous parlant de leurs expériences quand ils étaient enfants avec des blocs Lego, blablabla. Je dois dire que le cas de Sam est très spécial, étant donné qu'il est très déterminé. Il a suivi nos conseils, les conseils qu'on lui a envoyé pour avoir un emploi chez nous quand il était jeune garçon et finalement il a un emploi. Il lui a envoyé, j'imagine, une lettre de choses à faire pour devenir employé de chez Lego. L'art de se rendre jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Follow your dreams, don't do drugs, stay in school. Aussi. Voilà, c'est dit. La morale, hein? La morale de cette histoire. Ça manque de petite musique en arrière plus cute que celle-là pour avoir une morale. Un petit violon. Comme un petit téléroman pour enfants. Peter Benchley, l'auteur de Jaws, Les Dents de la Mer. Ouais. Je sais pas, j'essaie de trouver une joke. Genre, c'est pas un talk show à Radio-Canada ce soir, on jazz. Ce matin, on jazz avec Élise Marquis pis Joël Legendre. Toi pis tes idées de slogan. Silence, on jazz. C'est une émission pour vrai, ça, Silence, on jazz, non? Genre, c'est pas le matin? Ouais, ouais, enfin. Peter Benchley, l'auteur de Jaws, a dédié la dernière décennie de sa vie à la préservation des requins pour compenser pour l'hystérie collective qu'il a créée sans faire exprès. Depuis la dernière décennie de sa carrière, Benchley a écrit plusieurs, des textes, pas nécessairement des livres, des textes, donc non-fiction, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de la fiction, pas si on comprend, sur la mer et les requins, donc parlant de leur conservation. Leur préservation. Parmi ça, il y avait un livre nommé Shark Trouble qui illustrait comment le buzz et le sensationnalisme autour de Jaws, autour de n'importe quoi, peut aider à changer la perception que le public a de quelque chose comme l'écosystème marin et les conséquences négatives de l'interaction des humains envers les animaux. Donc, il y a eu des éditions en 2001 et en 2003. Ça a été écrit pour aider le public après Jaws à plus comprendre, si on veut, la mer et sa beauté, son mystère et sa puissance, son pouvoir, sa force. Benchley était membre du National Council of Environmental Defense et il a été porte-parole pour son Oceans Program. Les requins, dans une version à jour, mise à jour de Jaws, ne pourraient pas être les vilains. Il faudrait l'écrire comme s'ils étaient les victimes. Hey, ça serait-tu un film, ça? Jaws 4. Mais la plupart du temps, c'est ça qui arrive, tu sais, maintenant. On met plus la faute sur les animaux. Si tu regardes Pixar ou Disney, leur film où les animaux sont en vedette... Toujours les humains qui sont les méchants. C'est ça, sont toujours les humains. Et qui tentent de détruire l'environnement des pauvres petits animaux. Le royaume de ces animaux s'en défend. Et voilà. Ici, la source est Psychology Today. Psychology Today. Ce qui m'occasionne aussi le fait de rappeler qu'on prononce pas le P dans Psychology Today. L'étudiant au secondaire, l'étudiant moyen au secondaire aujourd'hui a le même niveau de stress qu'un patient psychiatrique moyen dans les années 1950. Un jeune au secondaire a autant de stress qu'un patient psychiatrique dans les années 50, selon Psychology Today. C'est beaucoup sur les épaules de quelqu'un, hein? C'est stressant, hein? Un télé-évangéliste nommé Oral Roberts. Tu sais, quand tu t'appelles Oral et que t'es télé-évangéliste. T'as pas dit ça. Oral Roberts a déjà dit à ses téléspectateurs que s'il ne recevait pas 8 millions de dollars dans les 3 mois qui suivent, Dieu allait le tuer. Il a reçu plus de 9 millions de dollars dans cette période-là. Mais non. Selon Time Magazine. c'est incroyable. John Oliver, récemment, dans son émission Last Week Tonight, a parlé, a dénoncé les télé-évangélistes et il a parti lui-même sa propre église. Je me rappelle pas du nom, mais c'est vraiment super drôle. Et ça rit exactement de ce genre de gars-là, M. Oral Roberts. Allez chercher télé-évangéliste et Last Week Tonight sur YouTube ou ailleurs. Jusqu'aux années 1960, les Afro-Américains, les personnes américaines d'origine noire, africaine, donc avec des voitures, pouvaient acheter ce qu'on appelle le Green Book, qui leur disait quelle ville partout aux États-Unis avait des places pour personnes de couleur, quelle ville n'acceptait pas les personnes noires lorsqu'il faisait noir dehors, et quels endroits éviter de visiter s'ils voulaient survivre à leur voyage. Et ça s'appelle vraiment, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, le lien est sur assemblagerequis.com, ça s'appelait The Negro Motorist Green Book. Ah? Jusque dans les années 60, imaginez, c'est quand même semi-récent, ça, non? Mais ouais, hein, c'est surtout ça qui est troublant. Des conseils où aller quand t'es noir. Un chien guide a calmement mené 30 personnes dans les escaliers, 1463 escaliers ou marches, mettons, du World Trade Center le 11 septembre 2001. Malgré la confusion, la fumée et le bruit autour d'eux, ils ont guidé les personnes. Ils s'appelaient les deux chiens Salty et Roselle. Ils ont leur page Wikipédia eux aussi, c'est Salty and Roselle. Donc, une fois rendus à la sûreté, les chiens ont aidé une femme qui était aveuglée par les débris. C'est donc mignon. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans le World Trade Center? J'imagine qu'on les a envoyés là pour sauver les gens, peut-être. Ah, OK, ouais, j'imagine. Peut-être. Après que ça soit arrivé. Je suis sûr que si je cliquais sur le lien des chiens guides sur Wikipédia, on nous dirait peut-être, ça. Ouais, peut-être qu'ils nous diraient pourquoi les chiens se trouvaient là à ce moment-là. Salty et Rosa étaient deux chiens guides qui étaient avec leur propriétaire dans le World Trade Center lors du 11 septembre. Ils ont chacun guidé les gens, comme on l'a dit, blablabla. Et plus tard, ils ont reçu la Deakin Medal par le People's Dispensary for Sick Animals au Royaume-Uni. Roselle a été nommée posthume après sa mort le American Hero Dog of the Year en 2011 par l'American Humane Society. Il y a un livre qui a été écrit à son sujet. Donc, ils étaient avec leur propriétaire dans le World Trade Center par hasard total, j'imagine. Sûrement chien guide pour personnes avec mobilité réduite ou quelque chose du genre. On s'entend dans une bâtisse comme celle-là, des chiens guides, ils donnent une coupe. Ouais, ça doit peut-être, ouais, fortement. Une banque qui a perdu 66 employés dans les attaques du 11 septembre a envoyé 54 enfants de leurs collègues tombés à l'université. Donc des gens qui sont morts, 54 de leurs enfants. C'est très gentil. Très mignon. C'est avoir le cœur à la bonne place, comme ils disent. Voilà. Je pense qu'on a le temps pour encore quelques autres. Hey, tu me donnes-tu le temps d'en faire une? Hey, vas-y. J'ai trouvé ça sur Facebook ce matin. Cool. Est-ce que vous saviez que l'espérance de vie d'un enfant naissant dans Hochelaga-Maisonneuve est toujours de 11 ans inférieure à celle de l'enfant qui naît à Westmount? Hein? Et la source de ça? En fait, c'est Oxfam Québec. Ah oui? Alors que le fossé des inégalités se creuse, quel avenir envisager pour les jeunes? Des représentants de tous les partis politiques fédéraux et provinciaux ont été conviés à la table ronde « Jeunes et inégalités » afin d'entendre les réflexions, les échanges et les idées des jeunes. Mais on parle de la même ville, là. On parle juste pas du même quartier. Wow! 11 ans inférieur. C'est énorme, 11 ans. C'est beaucoup. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Oxfam Québec avec toute la belle petite... disons-le comme ça, le reportage sur l'inégalité des deux quartiers. Cool. Hey, crime, un fait qui sert à quelque chose à savoir. Fait que c'est quand même très près de chez nous. En plus, là, c'est 1h15 à côté de chez nous. Wow. Merci. Ça fait plaisir. On parlait du 11 septembre. Le dernier chien, en fait, le dernier chien survivant du 11 septembre de l'équipe de Search and Rescue, donc recherche et recouvrement, là, si on veut. Ben oui. passe maintenant son temps à visiter les écoles primaires, aidant les enfants à apprendre à lire. Bretagne, le nom du chien, Bretagne le chien, écoute les enfants lire tout haut, à voix haute, pour qu'ils ne se sentent pas aussi angoissés ou anxieux. Donc, c'est ça, c'est les chiens du 11 septembre. Bretagne, un adorable chien de 16 ans. Quand même, 16 ans. Un poke, P-O-Q-E, c'était un petit sac que les gens transportaient sur leur personne pour mettre des choses. On mettait des petits espaces, on a commencé à mettre des espaces dans les pantalons lorsque les cordonniers, pas les cordonniers, comment t'appelles ça les personnes qui font des pantalons? Il y a un mot pour ça. Un tailor. Colin. Ah! Un faisu de pantalon. Un faisu de pantalon. Non, on va te le trouver, moi, ce mot-là. Les gens à la maison crient le mot, là. Un tailleur. Un tailleur, bien oui, évidemment. Voilà. Donc, on a commencé à mettre de petits espaces dans les pantalons. Les tailleurs ont commencé à mettre ça dans les pantalons pour pouvoir faire la même chose, transporter des affaires avec. Ils ont nommé ça des POC. P-O-Q-U-E, ou des Pouquettes, qui plus tard est devenue Pocket. Ah! Ça s'appelle une Poc. Une Poc. Transporter des enfants dans un petit sac avant. Le premier animal cloné était un chat qui portait le nom de Copycat. En fait, il s'appelait CC, un peu comme dans les courriels, le chant CC ouais. pour Copy Carbon ou Copycat. Donc, né le 22 décembre 2001, un brown tabby, un chien à poils courts, un chat domestique blanc, le premier animal cloné. Donc, son donneur génétique était un tabby cat. Rainbow. Il se ressemble même pas. Parent. Ça ressemble pas le nom. Non. Ah, mais tu sais, ça vieillit puis ça change un chat. Ouais, peut-être que. Ouais, OK. Tu le vois dans les yeux. Non, c'est pas. Tu absolument pas dans les yeux. Il y en a un qui a les yeux bruns, l'autre a les yeux bleus, tu sais. L'autre qui, sa mère, s'appelait Rainbow. Poil court domestique. La différence dans les couleurs des poils est due à la reprogrammation épigénétique. Ah, ah ben. En septembre 2006, Sissi. Comme on peut l'appeler aussi, Sissi, pour c'est ça. A donné naissance à 4 chats, 2 mâles nommés Tim et Zip et une femelle nommée Tess, qui sont naturels, pas clonés évidemment. Un des chats, une femelle, est morte-née. Oh, mais c'est triste. C'est la première fois qu'un animal cloné donnait naissance à un autre animal. Sissi a l'air de ne pas avoir de problème de santé relié au clonage qu'on a eu dans d'autres animaux clonés. Elle a toujours été un chat complètement normal et ses chatons sont aussi tout à fait normaux. Ils surveillent leur santé, tout le monde va bien, comme Sissi va bien depuis les 5 dernières années. Bon, ben moi j'en ai assez de fait là-dessus. Terminer avec un chat, c'est une bonne nouvelle, ça? Ben oui, hein? Bonne nouvelle. Mais pourquoi ils n'ont pas cloné autre chose après? Tu sais, si ça a fonctionné avec le chat, on aurait pu essayer d'autres choses ou bien on ne le sait pas. Ouais, j'imagine qu'on essaie de faire le plus d'études possibles avant de le faire sur des humains. T'sais. Ouais, mais non, mais là je parlais pas d'humains. Tu sais, mettons, on pourrait reproduire. Des objets inanimés. Aha. Qui pourraient être très utiles. Aha, on pourrait cloner un micro pour faire un objet inanimé dans lequel animer. Oh boy. Oui. On pourrait cloner du beef jerky. Oh, on pourrait faire ça. Au retour de la pause, David Ferron va être avec nous pour la chronique La carte bleachée. C'est une nouvelle chronique qui va nous la présenter en grand détail, j'en suis certain. On comprendra absolument rien. Sûrement qu'il va ramener plein de personnages que vous vous rappelez pas d'avoir déjà entendus. Ça va être une grosse partie de plaisir. Assemblage requis, restez là. Assemblage requis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours Assemblage requis en ce lundi 14 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Mais bien oui, on est là en studio avec vous. Vous pouvez boire votre café matinal ou bien vous rendre au travail ou à vos cours, tout simplement, ici sur le campus de l'UQTR. Et on est là pour vous accompagner. Ah, que je prendrais non pas du café en ce moment. J'ai tellement chaud dans le studio, ça n'a pas d'allure. Non, moi j'en prendrais pareil. Ouais. Ça réveille du café. Ça met du bonheur dans ma journée. Dans quelques minutes, David Ferron va venir nous faire des gaffes en ondes, j'imagine. Il est comme ça. C'est David Ferron, tu vas le voir. Ça arrive des fois. C'est correct. On l'aime de même. C'est ça, voilà. Il est très attachant. Mais avant ça, on écoute une pièce de Jamie XX sur leur album nommé In Color. Voici Loud Places. Sur Cifou. 89 FM. FM. Take me home. Lord Places, position numéro 6. Ça monte de 13 dans le premier reste anglophone au 89 FM, c'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission maintenant en pièces détachées. Les auditeurs fréquentent l'émission régulière depuis longtemps. Tania se rappelle d'un chroniqueur un petit peu foufou qu'on a. Ben oui. Un petit peu foufou. Mais on aime ça, rire. Mais on aime avec ça. Avec lui en l'accueillant. Des fois, il est sérieux. Des fois, il divague un petit peu. Des fois, il perd la carte. Des fois, on comprend pas trop ce qu'il veut dire. Des fois, il va peut-être... Il va nous expliquer ça. Moi, quand il est allé brancher ses affaires tantôt. T'es branché son ordi en arrière de la console. Mm-hmm. Je me demandais si on allait continuer l'émission. Peut-être que ça allait comme shut down le studio. On sait pas. Ça pourrait arriver. Parce que un gars imprévisible. Tu sais, dans le bon sens. Tout à fait dans le bon sens. Étant donné que je ne l'ai pas présenté, que je n'ai pas joué son intro, il n'a pas le droit de parler. C'est la règle que j'ai instaurée en studio. Ça, voilà. Donc voici David Ferro et la carte Bleachée. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. Je t'ai fait deux intros, David, ça c'était le retour. Il y a une intro puis un retour. Voici David Ferro et la carte Bleachée. David Ferron. Hey, bonjour, t'as fait vraiment un très beau travail sur l'intro. Mais t'as fait un beau travail en trouvant ta chanson d'intro. Ben, ça fait plaisir, mais c'est sûr que 12 Pack de Pif Paf and Cover, c'est entraînant le matin. Ben oui, tout à fait, ça réveille en tout cas. C'est très bon. Et la chanson de fond, pour ceux que ça intéresse, c'est une autre chanson de Pif Paf Hangover qui, je crois, s'appelle La Houle, une pièce instrumentale. Bref, David Ferron, c'est la carte Bleachée. L'année passée, tu nous as présenté une chronique qui portait un nom similaire. C'était quoi déjà ton nom de chronique? J'avais-tu un nom de chronique? Je m'en rappelle plus. Je pense que j'étais tellement pas régulier l'année passée. C'est vrai, mais t'as toujours été un gars très irrégulier. T'sais. Oui, je laissais dans n'importe quoi. C'est comme ça. Je me rappelle pas du nom de ta chronique. Moi non plus. C'est pas grave, moi non plus, j'en ai pas. Fait que à ce point-là. Ah, c'est ça. Je vais t'en inventer un. Bonne chance. Donc, pourquoi la carte Bleachée, David? Mais pourquoi? Parce que c'est comme une carte blanche. Parce que vu que je dois être le doyen des chroniqueurs, à moins que je me trompe, ou un des doyens. En ce moment, je crois que t'es celui qui est là depuis plus longtemps. Ouais. Alors, moi, je me suis donné le droit, je me suis auto-accordé le droit de me donner une chronique libre et Mathieu a donné la bénédiction. Oui. Donc, c'est une carte blanche, mais Bleachée. Pourquoi? Parce que je veux tellement une chronique décapante qu'elle va vous en faire voir de toutes les couleurs. Cool. Ah, mon Dieu, j'aime donc ça. Tu t'attendais pas à ça? Non. Oui. Est-ce que je suis clair? C'est très clair. Et est-ce que Tania est préparée psychologiquement? Je sais pas, on m'a pas préparé encore à savoir ce que ça allait être la carte Bleachée. Es-tu sûr que c'est une bonne idée de ne pas être préparé psychologiquement? La semaine passée, là, il y avait pas de chroniqueur lundi. Voilà, je commence à me poser des questions. Okay. Elle s'est trempée l'orteil dans le lundi, là, on va la mettre vraiment. Voilà, il même plonge pas. En lundi, c'était congé mardi seulement. C'est comme mon premier lundi, là. C'est vrai. Qu'en fait, c'est ça, l'année passée, c'était une chronique de chat. Donc, je parlais de chat. Non, c'est pas vrai, là. Je parlais de chat, je me rappelle pas de ça. J'étais moi pas non là, plus. C'était quelqu'un d'autre qui animait à ma place, je pense. Oui. Et ça va pas bien. Mathieu prenait congé le temps de la chronique. C'est ça. Il partait. Puis là, tu voyais, pour une première fois de sa vie, il courait. Ben, c'était à cause de ma chronique. J'ai encore chaud de ce jour-là. D'ailleurs. Oui, j'ai fait faire du sport à Mathieu Plante. Hey, merci, t'es fin. Et voilà, donc, j'ai expliqué c'était quoi ma chronique. Et des fois, ça va être de la musique, surtout de la musique, mais des fois, ça peut être de la météo, ça peut être aussi de la politique, selon mes humeurs et selon mon état d'âme. Oh! Oui, parce que j'ai une âme. Ah, mais on aime ça. Oui. Mais avec un miroir, on le voit pas, fait que t'es un fantôme. Oui. Et plein d'autres choses, plein de surprises. Mais là, vu que c'est la première fois que Tania... on se retrouve, Tania, moi et toi, Mathieu, et ainsi que Tania. Ainsi que Tania aussi. Faudrait pas oublier Tania. Moi, non, je suis là, inquiétez-vous pas. Mais non. Et c'est ça, c'est qu'il faut préparer psychologiquement tout le monde. Et Tania. Oui. Et surtout moi, s'il vous plaît. Mais ça va bien se passer. J'ai préparé quelque chose de smooth pour aujourd'hui. Ah, yes. Un smoothie. Oui. Voilà, on part en toute tendresse pour lundi matin. Oui, donc je vais parler de petites noires. Okay. Raciste. Non, c'est l'artiste qui a décidé ça, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je m'excuse, mais Petite Noire, en fait, qui est Petite Noire? C'est en fait son vrai nom, c'est Yannick Ilunga, et c'est un auteur-compositeur né en Belgique, mais qui a grandi en Afrique du Sud. Puis dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a passé une partie de sa vie en Côte d'Ivoire, en Grande-Bretagne aussi. Bref, il a pas mal voyagé, fait que ça a influencé son monde musical. Et avant qu'il devienne Petite Noire, eh bien, Yannick faisait du gospel dans les églises. Il a même été dans des groupes de heavy metal. Wow! Oh, quand même! Mais là, ce qu'on va entendre, c'est pas ça pantoute. C'est que ça rappelle en fait ce qu'il fait présentement en tant que Petite Noire. Ça fait penser au bon son pop électro-alterno des années 80. Parce que oui, il y a eu des horreurs musicales dans les années 80, mais Petite Noire réussit à faire quelque chose de bon. Si vous aimez, mettons, Peter Gabriel, si vous aimez Joy Division, Tears for Fears, c'est dans ce package-là, avec Grace Jones aussi. Côté plus underground, on oublie La Vie en rose parce que Grace Jones, c'est tellement... En tout cas, un jour, je vous parlerai de Grace Jones. Oui, parce que je connais pas. Moi non plus. Donc, La Vie en rose, La Vie en rose. Mais c'est pas juste ça. Ah oui! Ah, c'est lui! Ah, c'est ça. Oui, okay. Mais... On a un extrait, d'ailleurs. Je chante pas l'extrait. On chante l'extrait. La Vie en rose, La Vie en rose. C'est la version intérieure. Ah, OK. Okay. Voilà. Ça marche pas toujours quand j'essaie des affaires, ça. Mais oui, c'est la voix intérieure qui a chanté pour nous. Ah, mais oui. Ah, mais oui, c'est ton âme. Ben, l'âme de nous tous, non? Est-ce que ton âme a chanté, Tania? Ah oui, tout à fait. Elle a chanté à toute heure ce matin. Tu vois? On l'écoute. Voilà. Ah, c'est bon. Ah! Je t'ai mis. Oui, tu vois, Tania, ton âme chante très bien. Merci beaucoup, les gars. Ça valait mon âme avec une chanson. C'est quoi la chanson? Ça valait mon âme avec une chanson? Ouais. Alors, je ne vais pas parler dans cette chronique-là du tout. Il ne faudrait pas que je parle. C'est une chronique de l'âme. En tout cas, je vais recommencer pour revenir à Petite Noire. Oui, parce que des fois, il y a des décrochages dans notre chronique. Mathieu me fait tellement rire que des fois, je perds le fil. Sauf aujourd'hui, je pense. On va essayer. Tu es plus sur le fil que moi. Oui, parce qu'il faut que Tania... Je considère que Tania ne doit pas décrocher du fil. Je ne dois pas la pousser hors du fil. Okay. Et voilà, s'il vous plaît, poussez-moi pas à matin. Non. Donc, on se tient par la main. Voilà. Ah, c'est beau. Oui. Petite Noire. Donc, Petite Noire, c'est ça. C'est l'univers des années 80, mais très bien utilisé. Et qui a sorti son album vendredi dernier, qui s'appelle Life is Beautiful, La Vie est belle. Et il y a eu des très bonnes critiques sur Pitchfork. Donc, c'est vraiment très intéressant. Là, je vais vous présenter deux chansons. Et là, ce qui est drôle de faire dans une radio, c'est de décrire les clips. Ça, c'est vraiment cool. Parce que les clips valent vraiment la peine d'être vus, mais je peux poster ça si vous voulez. Sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ben oui, ça serait parfait. T'es auteur là-dessus, je t'ai mis comme auteur. Ah, ben merci. Tu peux envoyer ça directement dessus. Plein de contrôle. N'en abuse pas. Voilà. Je vais essayer. Donc, on va écouter de Petite Noire. On va écouter d'abord Best. Et Best, la musique, ça fait vraiment penser, comme je l'ai dit, à Tears for Fears, surtout à la fin de leur carrière, quand ils mettaient en évidence les instruments avant. Ils mettaient les instruments avant à l'avant. Oui, exactement. Eh oui, j'aime ça. Ben oui. Et le clip, de son côté, c'est très léché au niveau du visuel, mais il y a un défaut qui m'agace, c'est que ça paraît que ça a été fait avec un écran vert. Oh, ça, c'est dull, ou encore c'est dull, chez de lécher. Oui, exactement. Mais il y en a qui mettent ça de l'avant justement pour que ça paraisse que ça a été fait avec un écran vert, mais d'autres fois, t'es juste comme... C'est que lui, je le sais pas, mais par contre, ce qu'il compense, c'est qu'on voit de très beaux décors, c'est très esthétiquement réussi. Donc, qu'on soit dans un désert, dans une pluie orageuse, et même dans un rite ancestral ou un rite tribal, je sais pas trop quoi, c'est quand même bien réussi, quand même, malgré le petit côté décor vert qu'on peut avoir l'impression que ça a été fait. C'est quand même bien fait. Donc ça, c'est Best. La deuxième chanson, c'est Chess, comme échec en français. Et là, vraiment, le kitsch, il est vraiment, vraiment, vraiment assumé. Comme les appendices quand ils reprennent des trucs des années 80. Cool. Donc, ça semble vraiment ça. C'est vraiment tous les clichés des années 80, c'est là-dedans. Je veux dire, il y a comme le split screen. Je sais pas si vous avez déjà vu des vieilles émissions des années 80. Sur un seul écran, on voit comme deux scènes, puis c'est séparé par une grosse ligne noire. Mais oui. Il y a ça. Il y a aussi des espèces de reculés de caméra, des avancements de caméra pas très subtils. Il y a aussi l'espèce d'image VHS qui est aussi... Puis des fois, dans certaines émissions pour ados, il y avait comme des décors faits en dessin. Là. Ouais. Il y a ça aussi. Malade. Ah oui, puis il y a même l'espèce de regard langoureux, mais en même temps, je m'en contrefous qui joue aussi. Fait que c'est vraiment très réjouissant. Je vais voir ça. Oui, je vais vous montrer ça avec plaisir. Et comme ça, on a le temps, mais Mathieu m'a dit qu'on avait le temps et si Tania nous accorde le temps oui, aussi. Oui, je vous accorde le temps. Allons-y, allons-y. Un petit bonbon supplémentaire parce que je vous aime. Ah, oh, c'est donc gentil, David. Oui, ça fait plaisir. Et cette fois-ci, on change d'artiste et tout à l'heure, on va écouter Shift de Vivi Brown. Et qui est cette Vivi Brown? Eh bien, c'est une artiste qui, dans son premier album, a erré dans la pop complètement commerciale jusqu'à temps qu'elle se découvre une âme plus indie. Et là, décide de sortir le très, très bon Samson et Delilah, qui est vraiment du Electro Underground. Et là, elle a sorti cet été la pièce Shift. Et là, son album, son nouvel album qui s'appelle Glitch. Donc, Glitch, Shift, c'est un petit côté geek que tu vas aimer. J'ai pensé à toi, Mathieu. Tu pensais à Tania aussi en faisant des lunettes de geek. Oui, c'est vrai. Ben oui, ça te fait bien en plus. Mais donc, oui, j'ai pensé. Je suis sûr que vous deux, vous allez aimer ça. Oh, merci. Et en plus, je me dis justement qu'avec ces beats et voix planants, les chroniques kinky de Mathieu Plante ressembleront à des conseils pédago-pratiques sur comment attacher vos souliers en équilibre sur un seul pied tout en changeant l'huile à moteur de votre voiture. Okay. Et j'ai pensé à toi, moins. Tania. Ben oui, on change l'huile d'un moteur, évidemment, on pense à moi. Ben oui, dans le sens que t'aimes les voitures. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Oh, on suit. Elle anime une émission de char tout l'été, c'est pour ça. Que ça ne rappelle pas. Ben oui, c'est pour ça que j'essaie de penser à tout le monde. T'es fin. Voilà. Alors là, je vais penser au tympan de tout le monde en faisant jouer Best et Chest de Petite Noire, suivi de Vivi Brown avec la pièce Shift. On écoute ça dans la carte Bleachée avec David Ferron. Yeah! Alors, ça, oui, c'est parti. take it off now. Plage Dance Floor était présentée par l'artiste britannique V.V. Brown avec la pièce Shift tirée de son album Glitch qui va sortir le 25 septembre prochain. Un petit Jeff en arrière de la tête pour reprendre ton rythme normal. Alors, avant ça, c'était Petite Noire avec la pièce Chess et avant ça, c'était encore Petite Noire avec la pièce Best. Excellent travail. Merci. C'est très bon. Oui. Belle découverte musicale ce matin. Oui. Ça clashait un peu à la fin avec le dance floor, mais ouais, c'était un autre style. T'sais. Mais là, est-ce qu'on a le temps pour du Pierre Quenders? On peut jouer une pièce de Pierre Quenders. Juste pour se quitter, parce qu'après ça, quand même, on a d'autres choses à faire. Mais oui, Pierre Quenders, quelle pièce tu veux entendre de Pierre Quenders? Ouais, est-ce que t'as Popolito? On va bien voir. Oui, j'ai Popolipo, par contre. Ah oui, c'est vrai, je j'ai me J'ai pas Popolito, mais j'ai Popolipo. Popolipo, ben oui, c'est vrai, c'est juste des P. C'est comme un coq qui postillonne. Popolipo! Oui! Popolipo! C'est le coq chantant, mais sérieux, le po-po dans la toune, ça va vous rentrer dans la tête, c'est du velcro. Du velcro auditif. C'est du velcro auditif. Wow! C'est bien. Oui. Hey, là, ça m'excite. Il faut que j'aille entendre ça, genre, maintenant. Oui, vos tympans vont être pognés de cocottes. Merci, David. À la semaine prochaine, lundi, à 8h30 pour la carte Beachy. Merci. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Moi, non. Popolipo. parle français, n'a rien à dire en anglais. Popoli, po et congolais, Kinshasa ou Brazza. Popoli, po canadien, ontarien, québécois. Popoli, po, popo, popo, popoli, po. Popo, non tinha nada que fazer, popo. Popo, não tinha nada que dizer, bebê. Popo, não tinha nada que fingir, não tinha nada que fugir. Popo, sozinha que viver. Popo, não tinha nada que fazer, popo. Popo, não tinha nada que dizer, bebê. Popo, não tinha nada que fingir, não tinha nada que fugir. Popo, sozinha que viver. Wonders, Popolipo, featuring Samito. C'était dans la chronique de David Ferron. Tantôt, j'ai dit à la semaine prochaine à David, mais c'est dans deux semaines. Tout le monde change de rythme cette année. Donc, à David Ferron, dans deux semaines. Au retour, la chronique de Tania Baudin à Assemblage Requis. Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Tania Baudin. Eh bien oui, c'est moi. C'est le temps de ma chronique. Mathieu, j'ai hâte de voir comment tu vas me baptiser. Oui, moi c'est Mathieu Plante en passant. Mais oui, c'est le moment de la chronique de Tania. Et on le dit depuis plusieurs jours, en fait depuis le début de la semaine passée, à chaque jour ou presque, j'essaie de trouver un nom de chronique. T'sais, j'ai déjà suggéré, j'ai suggéré Top Tania, j'ai suggéré Tania is gonna entertain ya. Là, je te rajoute l'instant Tania. Un peu comme l'instantané. OK. L'instant gagnant. Ben, c'était ça aussi. Ou l'instant gagnant, c'est l'instant Tania. T'sais. OK. Et t'avais, crime, je vais aller me faire bronzer un petit spray Tania. C'est terrible. T'as tellement des idées loufoques. C'est incroyable. Mais je t'ai aussi écrit une chanson, Tania. Tu m'as écrit une chanson? En fait, je t'ai menacé sur Facebook. Ouais. J'ai écrit, ceci est un avertissement final. Si tu ne trouves pas d'intro de chronique et de titre de chronique approuvé par moi-même, Mathieu Plante, je vais devoir t'écrire une chanson. Oui, et plusieurs gens semblaient vouloir entendre la chanson en question. J'en ai écrit plusieurs à travers l'histoire, des petites chansons de thème de chronique. Okay. Ça n'a jamais été vraiment un succès. Par exemple, tiens, je sais pas si tu connais ça, je vais te faire entendre une chronique, mettons, qu'on a déjà fait, OK? Mettons que j'ai moi-même inventé. Vas-y. C'est bon, attends un peu, faut que je la trouve. Et où? Où est-ce que j'ai mis ça? Attends un peu, faut que je la trouve. Je la trouve plus. Tu la trouves plus? Je la trouve plus. Vas-y, à capella. Non, c'était bon. C'était très, très bon. Attends un peu, non, ça vaut la peine de la chercher. OK, vas-y, cherche-la. OK, je vais chercher ben longtemps. Ça va être ben long. C'est bon. OK, ça s'en vient. Mais ne prends pas trop de temps parce que ma chronique s'en vient. Moi, non, je sais. C'est ça. Puis j'ai vraiment hâte de faire. Découvrir quelques. Je trouve pas. Mais bref, mais bon. Bien, je vais te chanter la tienne. Ça OK, vas-y. OK, j'ai pas pratiqué avant. OK. Tu me jugeras pas. C'est à frette de même, le bing-bang, on enlève le diachelon. Puis on va la faire à chaque jour jusqu'à temps que tu n'aies une. Oh mon Dieu. On va pratiquer. Tu vas la faire seule. Oui, c'est ça. Oh oui. Attends. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya! Ah, c'est pas si pire! Ah, c'est très bon! On va refaire, ok. Deuxième coup, ça va être parfait. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. Ouais. J'aime bien la finale anglaise. C'est la première fois qu'on me chante une chanson comme ça pour me présenter. T'es charmé, là. Écoute, je suis complètement charmé, Matt. Tombe à terre. Je tombe à terre, là. J'ai besoin de café pour m'en remettre. Donc, Tania is gonna entertain ya, c'est le nom temporaire avec l'intro temporaire de cette chronique. J'aime bien. Tania is gonna entertain ya. Je trouve que ça coule bien. Voyons combien de temps ça va durer. Ouais, c'est ça. C'est la question qui tue. Mais Matt, aujourd'hui, je te parle et je parle à tous nos auditeurs de blog québécois que j'ai découvert au cours des derniers mois, qui m'entertain pas mal. Le premier, en fait, je l'ai découvert ce matin. Pendant l'émission, je t'écoutais pas. Non, juste avant l'émission, parce que tous les gens doivent savoir que moi, j'arrive avant Mathieu le matin. Oui, et qu'entre 6h30 et 7h30, on fait juste semblant de parler. C'est ça, exactement. Alors, moi, le matin, j'arrive ici à la station et je fais mes petites affaires et je suis tombée sur ce site-là qui est jeveuxtout.net. Qui est un blog avec deux cofondatrices. Mais je vous lis un peu la description du blog. C'est très facile et je crois que plusieurs personnes vont se reconnaître. Alors, le blog va comme suit. Inspiration, une vie à ton image. Un blog pour les femmes et les hommes qui veulent tout. Une vie amoureuse trépidante. Une vie familiale équilibrée. Une vie professionnelle passionnante. Une santé physique énergisante. Une estime de soi rehaussée et un plaisir à vivre. Hey, wow, hein? Quand même, hein? C'est quand tu veux tout, tu veux tout. C'est la belle vie, ça. C'est ça. Alors, il y a plusieurs petites blogs, en fait. C'est-à-dire que plusieurs... Des sections, si on veut. Oui, c'est ça. Plusieurs sections, plusieurs collaborateurs et collaboratrices. Mais je voulais vous présenter les différents blogs. Alors, je veux aimer, je veux partager, je veux créer... Je veux m'énergiser, je veux me dépasser et je veux rayonner. Alors, au total, c'est 12 collaboratrices, je disais collaborateurs, mais il n'y a pas beaucoup de gars, là, honnêtement, présentement. Donc, si jamais vous êtes des hommes, vous voulez écrire sur jeveuxtout.net, bien écrivez parce qu'il y a juste des filles présentes. On va leur écrire une chanson. Oui, c'est ça. Alors, 12 collaboratrices, je regarde sur le site, elles sont tous très jolies, mais j'ai regardé quelques blogs un petit peu tout à l'heure, quelques articles, et elles ont une très belle plume. Alors, si jamais vous sentez interpellé par ce genre de vie, vous voulez tout, vous voulez avoir quelques petits conseils aussi, eh bien, c'est jeveuxtout.net et je me permettrai, en fait, de partager la page Assemblage requis un petit peu plus tard. Donne-nous des exemples un peu. Y a-t-il des affaires sur la première page d'accueil de qu'est-ce qu'ils te proposent? Sur la première page, en fait, si on va à Bienvenue, y a les éditoriales. Il y a des éditoriales. Il y a les deux cofondatrices, Melissa Freeman et Josiane Bissonnette. Et si tu vas sur le blog, mettons, je tape sur le premier blog « Je veux aimer ». Qui veut pas aimer? Qui veut pas tomber en amour? Hein? Vie amoureuse. Je veux aimer, c'est favoriser la communication au sein de mon couple, cultiver nos différences afin de faire équipe, décider de demeurer dans la séduction. Bref, c'est choisir consciemment de m'engager à partager mon bien-être à l'autre. Alors là, présentement, dans cette section-là, il y a juste deux articles. Parce que je dois dire que le blog est tout frais, tout nouveau. Ah, c'est ça la fin. Les filles, en fait, ont un lancement le 1er octobre. Et si je me souviens bien, c'est du côté de Saint-Jérôme. Donc, si jamais vous voulez être là-bas pour le lancement de l'événement, c'est très facile. Vous allez à jeveuxtout.net sur la section Glam Club. Et vous pouvez vous procurer, en fait, les billets pour vous rendre à l'événement qui est du côté de Saint-Jérôme. La semaine dernière, je vous parlais de Joël Désaunier, la trifluvienne styliste. La Désaunier. Désaunier. La styliste dont j'ai eu la chance d'animer le premier lancement. Oui. Eh bien, elle est collaboratrice sur le site. Alors, du côté un petit peu plus mode, un petit peu plus féminin à ce côté-là, se sentir belle, quoi. Alors, jeveuxtout.net, c'est un de mes coups de cœur cette semaine pour les blogs. Il y a aussi la multiculturelle en cavale. Alors, j'explique ce que c'est. C'est une étudiante, en fait, de Promédia qui a étudié à la même école que moi, qui a décidé de lancer un blog. Et ça va comme suit. J'ai eu la chance de vivre en Corée du Sud, à Séoul. J'ai pu apprendre beaucoup sur les différentes cultures asiatiques lors des 6 belles années. J'ai étudié au lycée français de Séoul. Ainsi, j'ai su adopter la culture française à mon quotidien dans la culture asiatique. De retour au Québec depuis 4 ans, j'ai décidé qu'il est grand temps pour moi de recommencer à voyager. Alors, en fait, tout au long de l'été, elle a décidé de partir en voyage. Présentement, comme je disais, les deux premiers blogs sont en comment pourrais-je dire, en construction. Alors, d'ici bientôt, on va pouvoir voir les premiers articles de la multiculturelle en cavale. Si jamais vous êtes du style voyage, si jamais vous êtes du style à vouloir tout simplement comprendre d'autres cultures, voyager au travers de votre écran d'ordinateur, eh bien, ce site-là est pour vous. C'est un blog qui va probablement avoir une touche personnalisée aussi. On le sait, hein, un blog, c'est pas mal plus personnel et ou avec un titre d'opinion que simplement un article sur un pays ou une place à visiter. Alors, la multiculturelle en cavale pour tous ces gens qui désirent voyager et qui désirent se retrouver un petit peu. J'ai goût qu'on aille écouter une pièce musicale avant que je vous propose les deux autres blogs. Avec plaisir. Et si je ne m'abuse, eh bien, c'est Salomé Leclerc avec « J'espère aussi que tu y seras » à C'est fou 89.1 FM. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait Salomé Leclerc et la pièce qui termine clos son album le plus récent, ça s'appelle J'espère aussi que tu y seras. Oui, c'est ça, que tu y seras sur l'album 27 fois l'aurore. Toujours dans la chronique de Tania Baudin. Eh oui. Ah, t'as rechante. Ah, je voulais le faire jusqu'à la fin, mais okay. On tombe directement sur la place. Attends un peu. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya! Et voilà, si bien chanté par Mathieu Plante au 89.1 FM. Troisième fois. Merci pour cette intervention, ah, Mathieu. Ça vient du cœur. Tu mets du bonheur dans ma journée avant même mon café ce matin. Je suis là pour ça, moi. Eh bien, le troisième blog, dont le blog québécois, je dois le dire, ce sont tous des blogs québécois dont je vous parle ce matin. On en entend quand même beaucoup parler sur les médias sociaux parce que je crois qu'il met vraiment beaucoup de bonheur dans la vie des gens. Et d'après moi, Mathieu, même toi, tu connais ça, ondéjeune.com. Non, je connais pas ça. Tu connais pas ça. J'espérais que tu me dises pas trois fois par jour. Non. Non, mais ils se connaissent, d'après moi. Okay. Mais écoute, il y a cette espèce d'euphorie aux alentours de déjeuner, tout ce qui est déjeuner, tout ce qui est brunch ces dernières brunch, années. Bacon. Avoue, hein? Bacon, brunch, œufs, café. Tu peux rien demander de mieux. Ah. Alors, en fait, le blog ondesjeunes.com, c'est très facile. C'est une équipe qui ont décidé de mettre sur Internet tout ce qu'ils mangent pour déjeuner. Okay. Et c'est comme un Instagram dans la vraie vie. Là. Ben, ils ont un Instagram aussi. Là. Et je dois dire, là, je suis abonnée à leur Instagram. C'est genre, ça pourrit ta vie tellement, ça a l'air tellement bon. Parce qu'ils mangent pas juste un bol de céréales avec des non, tu sais, ils brunchent à tous les matins. Fait que ça fait de ta vie genre un enfer. Même pas. D'après moi, ils ont un abonnement au gym juste à cause de ça. Voyons donc. Mais c'est... c'est fou. C'est juste fou. Ils sont du côté de Montréal, ils sont du côté de Québec aussi. Il y a comme deux équipes présentement qui s'occupent du blog. Et ils vous font découvrir tout ce qu'ils mangent par rapport aux villes et les places qui sont très intéressantes et parfois très inconnues. Des gens pour aller déjeuner. Évidemment, déjeuner, c'est un plaisir de la vie pour certains. Pour ben oui. d'autres, c'est un sacrifice que de devoir déjeuner le matin. Mais je suis une de celles que si elle ne déjeune pas le matin, elle se sent très mal. Oh, alors, ouais. ouais, ouais. Je déjeune jamais, moi. Pas vrai? Jamais, jamais. Ah non, mais. Cet été, je déjeunais parce que fallait t'avais le temps. Mais là, pas avec l'émission. Ouais, non, c'est ça. Mais. C'est tellement bon déjeuner et je pense que si on pouvait déjeuner à toute heure de la journée, là, n'importe quelle. Les trois repas de la journée. Oui, exactement. Les trois repas de la journée, je le ferais. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes des amateurs de déjeuner, vous en avez sérieusement pour tous les goûts là, sur le site Internet. Il y en a du côté de la Gaspésie, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus santé, avec fruits, stuff poché, là, poché dur là, et ce genre de choses. Il y a aussi des collaborations d'ailleurs chez Cora Déjeuner. Il y a aussi Bagels à Québec et qui font des bagels assez écœurants, merci. Alors, si jamais, comme je vous disais, vous êtes comme moi et que vous raffolez de déjeuner assez exquis comme ça, eh bien, je vous souhaite tout simplement d'aller faire un tour sur ondesjeunes.com parce que vous allez... Je vous le souhaite. Si tu y penses très, très fort, je suis sûr que tu vas le faire. Ah ouais, je vous le souhaite vraiment. Je vous le souhaite vraiment parce que juste à regarder le site Internet, là, comme les papilles gustatives qui... Ils sont bons, qui ont vraiment le goût de déjeuner une deuxième fois ce matin. Ah, wow! Non, mais comment ça devrait être? Tu devrais avoir genre pré-déjeuner. Déjeuner et après-déjeuner. Ce serait les trois repas de la journée. Ça. En France, c'est un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Et les trois se ressemblent quand même assez bien. Ouais. Moi, je dis qu'on devrait faire la même chose. Pourquoi pas? En fait, on devrait tous arborer cette chère petite façon de faire. Inspirons-nous des Français. Deux déjeuners. On se réveille quand même assez tôt. Là. On anime tôt. Alors, on aurait le droit à un petit déjeuner, puis un déjeuner plus conventionnel du style œuf. Ouais. On anime tôt. Fake. Et on anime tôt aussi dans la vraie ouais, vie. Ouais, exactement. Mais juste moins tôt. C'est ça. Mais on aurait quand même le droit, tu sais. Moi, je me lève quand même à 5h30. Pour vrai, je me lève à 6h30 passée. Ouais, mais toi, t'es un gars. C'est ça. Puis l'émission commence à 6h30. Fait que je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. L'auditeur, c'est un peu bizarre. T'sais. Ouais. Je pense. Le quatrième et dernier blog québécois, je te le dis, ça arrête plus. T'en as pour le reste de la semaine aussi? Ben non, en fait, c'est aujourd'hui, c'est comme ma chronique blog. Là, fait que, she's gonna entertain ya! Alors, en fait, c'est le blog d'une de mes amies personnelles et je suis très contente de le présenter à C'est fou 89.1. C'est chezlefilrouge.co. En fait, c'est un blog complètement littéraire et je vous le présente de la sorte parce que, en fait, dernièrement, il y a une de leurs collaboratrices qui est Elizabeth Lord qui a fait les choix d'Elizabeth pour la rentrée littéraire 2015. Alors, si vous êtes du genre à beaucoup lire, à vous chercher des livres à lire, à pas nécessairement savoir quoi lire ou avoir une opinion juste sur les choses, eh bien, allez faire un tour sur Le Fil Rouge. Ils ont aussi une page Facebook parce que c'est un site littéraire qui est très le fun, mais il y a aussi des articles qui sont un petit peu plus à la légère. Donc, je vais tout simplement vous décrire le blog comme eux, elles le décrivent, tout simplement. Oh, ouais. Alors, quand on va sur l'onglet « À propos », eh bien, c'est très simple. 15 filles qui vous parlent de bouquins, de féminisme et de la vie de manière franche et moderne, et ce, sans jamais se prendre au sérieux. Et c'est un peu la... pas la mode, mais ce qui se passe présentement avec Internet, c'est que tout le monde veut donner son opinion, tout le monde veut donner un petit in ici, un petit comment je pourrais dire en français, un petit conseil par-ci, un petit conseil par-là. Alors vraiment, le blog Le Fil Rouge, c'est du côté littéraire, elles le disent, féminisme. Mon amie Marjorie Réaume, qui est une des cofondatrices du Fil Rouge, eh bien, elle s'est jamais cachée d'être féministe, et en fait, elle m'a fait voir le féminisme d'une toute autre façon durant les dernières années. On a vécu ensemble aussi à Montréal. Ah oui? Oui. Alors, si jamais vous êtes littéraire... Est-ce que sa maison à Marjorie Réaume s'appelait la Marjorie Réaume? Je devrais lui proposer. Parce que ça devrait. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être. Faudrait que je lui demande. Mais tout simplement, si vous avez un petit... un petit cœur pour les livres québécois, surtout parce qu'elle parle beaucoup de littérature québécoise. Eh bien, allez faire un tour. C'est vraiment très le fun comme blog et ça éveille une journée comme ça. Ah, voilà. C'est beau. Des blogs, des vlogs la semaine passée. T'es rempli de contenu? On adore ça. Moi, je trouve que c'est comme... Écoutez ta chronique, Tania. J'ai comme peur. C'est comme se relaxer au soleil sous un gazebo d'un. Hein? Baudin, salut Baudin. Je vais le prendre comme un compliment, Mathieu Plante. Ah, j'ai raté le début de l'intro. Il y avait un autre bout pour chanter l'intro. C'est plat. On dit que c'est plat. C'est une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. Wow. Était mieux chanter les trois premiers. Ouais, mais donc. On comprenait pas tes paroles. Il y avait moins de cœur dans celle-là. Ouais, mais pas trop. Vu que t'as fait ça, et moi aussi j'en ai un blog, sauf que je veux pas mettre mon contenu dans ta chronique. Vas-y, présente ton blog. C'est ta chronique, ça. Moi, d'accord. Ma chronique, quand je parle de coup de cœur, ça s'appelle Tu manges mon cœur, m'a fait ça. Oui. Ben vite. De la chronique va être plus longue que le contenu. Moi, je veux te parler du blog vas-tu finir.ca, est-ce que tu connais? Non. C'est un blug de critique culinaire, un petit peu comme on fait avec une grosse pointe en dress, sauf que ça permet de prendre des produits qu'on peut faire réchauffer dans un fourneau ou un four micro-ondes ou qu'on met des affaires qu'on a à construire soi-même. Alors que nous, à une grosse pointe en dress, on ouvre le sac, ça finit là parce qu'on n'a pas d'équipement de cuisine. Donc, eux, ils prennent des produits, c'est. Caroline Descostes et Mathieu Charlebois qui goûtent pour vous, disent-ils, à toutes sortes de choses afin de répondre à la question « Si tu manges ça, vas-tu finir ton assiette? » D'où le titre « Vas-tu finir.com.ca voilà. » Ils sont sur Facebook et Twitter aussi. Récemment, ils ont testé évidemment les boules à la poutine de Saint-Hubert. C'est-tu bon, ça? Tu as goûté? Eux disent que non. Moi, j'ai pas goûté. Plusieurs personnes dans ma vie ont aimé ça. Ouais. Eux ont pas tellement trippé. Il y avait aussi le Soylent, la petite poudre que tu mets dans un verre qui est supposé te faire passer à travers la journée. De la soupe noce italienne, du chili stag, de la bière Guinness avec un ragoût irlandais. Des beignes chez Tim Hortons en forme de cœur, de la crème glacée Red Velvet chez Chaudrain. Vraiment, n'importe quoi qu'ils trouvent en épicerie qui ça donne à être nouveau. OK. Et le goût, ils vont vraiment en détail. T'sais, ils vont vraiment, le texte est toujours très, très long, toujours très divertissant, tout en rempli de comparaisons. D'humour, de gifs animés, de citations drôles, de manipulations d'images. Par exemple, ils ont pris le chef là, qui a fait les boules de poutine, puis ils ont mis la tête sur le logo de Saint-Hubert. Ils font de la manipulation d'images comme ça. Et pour vrai, il y a plusieurs pages de contenu à chaque article, et après ça, des commentaires des gens. Donc, c'est vraiment super renseigné, super recherché. Donc, vas-tu finir.ca. C'était juste ce que je voulais ajouter à ta section blog. Mais on aime ça. On aime ça comme ça. Deux chroniques back-to-back de même. Et ça nous amène à la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Simple de même, toi. Simple comme ça. On remercie David Ferron et sa chronique La carte bleachée. Il va être de retour dans deux semaines, les lundis. Demain, l'émission va être mardi. On va avoir Marie-Laurence Audet et sa chronique sur le loisir qui est bien plus qu'un jeu. Et aussi Gabriel Béaud sur l'improvisation de la huître dans les coulisses de la huître. Il y a un match spécial ce soir à 20h à la Chasse-Galerie. Spécial Olympiade, les capitaines s'affrontent dans différentes courses à obstacles mentales pour eux. Donc c'est à 20h, c'est gratuit à la Chasse-Galerie et Gabriel va être avec nous demain à 8h30 pour en parler. Je te remercie, Tania Baudin. Ben merci, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir de t'avoir chanté quatre fois plutôt qu'une ton intro pour être sûr que tu t'en rappelles. Et voilà. Je te l'avais dit que ce serait une épreuve à vivre. Hein. Assez. C'est très éprouvant. Demain, t'as la nouvelle intro. Sinon, moi, ça va continuer demain. Ouais, c'est... On verra le nom qu'on y donnera. On verra bien. Restez sur nos ondes. Évidemment, 11h, il y a le dîner de con avec Danny Janvier, comme tous les midis du lundi au jeudi. Ensuite, à 16h, la dernière d'En Piste avec Tania Baudin. Oui. Parle-nous d'En Piste, de ton émission cet après-midi, Tania. En fait, c'est la dernière de la saison d'été. Alors, on parle des dernières courses qui ont eu lieu cette fin de semaine. On parle aussi de ce qui va se passer un petit peu dans les prochaines semaines. Et peut-être même parler d'opinion sur ce qui se passe avec Lewis Hamilton. Ça me dépasse tellement, cette histoire. Ensuite, je crois qu'à 19h, le voyage au site n'est pas encore recommencé. À 20h, par contre, on devrait avoir Rock de Neurones. L'horaire de soirée en ce moment est en flux constant, étant donné que les Aigles s'en vont en série. Donc, il y a des émissions de soir qui doivent laisser leur place pour les Aigles. Ça va revenir dans les prochaines semaines. Surveillez le cifou.ca pour la programmation, assemblagerocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Passez une belle journée. Puis, c'est ça. Tania pour des médias qui voulaient faire du cinéma. Non, je vais faire. Ah. Voilà. C'est dit. C'est et dit. C'est chanté, surtout.